La communauté internationale exalte la dignité des femmes coréennes. Le rédacteur en chef de la revue biélorusse Éducation sociale a récemment fait paraître le livre « Les femmes de la Corée démocratique » pour expliquer en détail que la Corée a réglé brillamment le problème des femmes grâce au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il et que les Coréennes constituent de puissantes forces dans la révolution et le développement du pays, entourées de l'intérêt du parti et de l'État. La présidente de l'Association d'amitié Irlande-Corée et la présidente de la Fédération internationale des femmes démocratiques ont indiqué que les Coréennes sont de puissants êtres dignes qui jouent un rôle important dans l'œuvre de la révolution d'Osungun. Le secrétaire international de l'Organisation des Angolaises a présenté la vie heureuse des Coréennes grâce à l'intérêt du parti et du gouvernement coréen. Les homepages d'internet du Forum allemand anti-impérialiste, du Comité national d'études du Kim-il-sungisme Kim Jong-unisme du Nigérien et de l'Association d'études de la politique de Sungun de la Grande-Bretagne, ainsi que l'agence de presse internet vietnamienne Tunti, le journal bangladais Blitz, la revue de l'Office d'Asie-Pacifique de la Fédération mondiale des syndicats Plechi et le journal brésilien Hora do Povo ont présenté la supériorité de la politique coréenne privilégiant les femmes.